Bon après-midi tout le monde et joyeux Saint-Valentin. Bienvenue à l'émission Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Mon nom est Marie-Pierre, on va être ensemble tout au long de l'émission aujourd'hui. Alors, comme on a dit, c'est un spécial Saint-Valentin aujourd'hui. On va recevoir Madame Geneviève Boileau de chez Cigogne et Baluchon. Il y a Laurence qui est avec nous en studio. Bonjour Laurence. Bonjour Marie-Pierre. Et il y a Ingrid aussi qui va nous faire une chronique plus tard sur l'hormone de l'amour. Bonjour Ingrid. Bonjour Marie-Pierre. Et on vous garde un petit croustillant pour la fin de l'émission. On va faire un spécial Kama Sutra de la femme enceinte. Ça va être intéressant. Alors, en musique, on va avoir les gourmandes Jamil et Yel. On a un petit crescendo de sensualité là, cette semaine dans la musique pour rester dans le thème. Alors, on va commencer tout de suite avec Laurence. Tu avais une chronique sur les ressources, je pense. Oui, tout à fait. C'est ça, ma chronique n'est pas vraiment en lien avec la Saint-Valentin. En fait, je vais vous parler de différentes ressources en périnatalité dans la région de Trois-Rivières, Shawinigan, Mauricie. Okay. Et on a une invitée aussi qui va nous parler du centre dans lequel elle travaille. On a beaucoup de ressources quand même en périnatalité. Puis pour les familles dans la région, puis je me disais, ça pourrait être intéressant d'en parler un peu pour les gens qui nous écoutent, pour aller chercher des fois du support et toutes sortes de services. Donc, un des organismes à Trois-Rivières, sur le boulevard du Saint-Maurice, donc plus côté centre-ville, on a Maternaide. C'est un organisme qui offre différents services comme des ateliers de stimulation pour les bébés, du répit parental aussi pour les 0-5 ans, donc qui ont une halte garderie où on peut avoir de l'aide, en fait, pour quelques heures. Dans le fond, on peut laisser notre enfant en sécurité avec des éducatrices pour pouvoir avoir un petit moment là, pour faire différents... Ouais. Ça peut faire du bien, là. Donc, voilà. On a aussi un service d'aide à domicile après accouchement. C'est le service 3A. Donc, c'est des auxiliaires familiales, dans le fond, qui viennent chez toi pour donner un coup de main, faire la cuisine, faire un peu de ménage, s'occuper du bébé pendant que maman peut se reposer un peu. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est tous des services... C'est à faible coût pour la plupart. Okay. Il y a les ateliers de stimulation. Je pense que c'est 30 $ pour 4 cours. Donc, c'est assez varié. Donc, ça vaut la peine d'appeler. Ils ont un site Internet. Et puis, voilà. Okay. Il y a aussi un comptoir vestimentaire pour aller chercher du linge de bébé. Wow. Et une ligne de soutien à l'allaitement. On a aussi le Centre Ressources Naissance à Trois-Rivières, qui est quand même assez connu, sur le boulevard des Récollets. Donc, eux, ils ont... beaucoup de services, dont une écoute téléphonique, 24/7 pour l'allaitement, une ligne info-développement. Donc, c'est possible, si on a des questions par rapport à notre enfant qui fait des crises de colère, puis on se demande si c'est normal ou pas normal. Fait que ça va être un des services. Ils font aussi de l'accompagnement à la naissance. Ils ont des marraines d'allaitement. Également, des repas répit. Donc, à tous les mercredis midi, des ateliers de portage. Wow. Et fait qu'il y a vraiment une programmation assez variée. Ils font aussi des ateliers de purée avec les mamans. Mm-hmm. Et il y a un service de friperie, puis de la documentation qui est disponible. Donc, dans le fond, c'est un centre qui regroupe beaucoup de services. Okay. Ça vaut la peine d'aller voir là, la programmation sur le site Internet. On a aussi des maisons des familles dans la région. Donc, il y en a une à Trois-Rivières, la maison de la famille Chemin du Roi. On a aussi la maison de la famille Deschenaux dans la région de Saint-Anne-la-Pérade, donc il va desservir plus l'est de Trois-Rivières pour les gens qui sont dans ce coin-là. Donc, eux vont aussi offrir beaucoup de services, beaucoup d'ateliers, de groupes, de parents. C'est ça, des sorties familiales. Ils ont aussi des ateliers de massage. C'est vraiment un lieu de rendez-vous là, vraiment intéressant et chaleureux pour les familles. Et puis, on a aussi dans la région de Shawinigan, Allaitement Soleil. Donc ça, c'est un organisme qui vraiment fait la promotion de l'allaitement, qui apporte du support aux mères qui veulent allaiter avec des marraines d'allaitement. On a aussi de l'accompagnement à la naissance, puis différents ateliers. Mm-hmm. Donc, si on est dans la région de Shawinigan, ça vaut la peine d'aller voir cet organisme-là. On a aussi dans la région de Saint-Tite, la Maison des familles, donc comme un peu celle de Saint-Anne-la-Pérade. On a beaucoup de services, beaucoup d'activités, donc c'est un lieu de rassemblement pour les familles. Et aussi, dans la région de Shawinigan, on a la Maison de répit. Donc, c'est dans le... le centre de Shawinigan. Donc, c'est une maison de quartier pouvant accueillir des enfants le temps d'une soirée ou d'une nuit pour permettre aux parents de refaire le plein d'énergie. Donc, c'est à faible coût encore là. Ça peut être intéressant d'aller visiter cette maison-là si vous n'avez pas un gros réseau ou si vous avez besoin là, d'une soirée là, de temps en temps pour vous reposer. Donc, on est sûr que nos enfants sont en sécurité pendant ce temps-là. Et on a aussi à Shawinigan le service transparent. Donc, c'est des mères visiteuses. C'est des mères qui viennent à domicile, des femmes, qui viennent te donner un coup de main avec les enfants, donc qui peuvent vous aider un petit peu dans la maison. Là, c'est pas un service de femmes de ménage. Là, c'est vraiment de l'entraide entre parents. Donc, ça peut être intéressant justement si on connaît moins de gens ou qu'on est un peu isolé. Ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un qui vient nous donner un coup de main. Et voilà. Donc, on a aussi un nouvel organisme dans la région qui a ouvert depuis peu. C'est le centre périnatal Cigogne et Baluchon. Donc, on a une membre fondatrice de l'organisme aujourd'hui. Bonjour, Geneviève Boileau. Bonjour. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de ce nouveau centre périnatal-là? Oui, en fait, notre centre périnatal, là, il englobe vraiment tout. Là. C'est pour de la conception jusqu'à l'âge de 5 ans des enfants. Okay. On a des services là, vraiment géniaux là, pour tout le monde, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit pour... on s'est affilié aussi avec plusieurs professionnels qui offrent des services à notre clientèle. On a chiro, massothérapeute, acupuncteur, sexologue spécialisé en périnatalité aussi. Donc, on est capable d'offrir vraiment de tout là, pour les gens qui vont avoir des enfants ou qui ont déjà des enfants. Puis, vous êtes plusieurs dans l'organisme, on dit pas organisme, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu différent, c'est privé. C'est ça, c'est en plein ça. Okay. Oui, on est trois propriétaires. Okay. Il y a Sandy Babin qui est de Bécancour. Okay. On a Mélanie Bilodeau qui est de Trois-Rivières et moi qui est de Bécancour aussi. OK. Puis c'est situé à Saint-Grégoire. Oui, on est situé dans la ville de Bécancour, secteur Saint-Grégoire. On est vraiment à peu près 10 minutes de Trois-Rivières. Là. C'est vraiment facile d'accès. On est vraiment sur le bord d'autoroute, donc il n'y a vraiment pas de problème pour se rendre. Là. OK. Et puis, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui vous a amené justement à ouvrir ce centre-là? Oui, en fait, je suis une mère de 4 enfants. J'avais un service de garde en milieu familial et puis j'entendais souvent les parents dire qu'il manquait de ressources, que s'ils avaient su que certains services existaient, ils auraient utilisé ces services-là. Donc, moi-même, en étant mère, je me suis rendu compte que à part le CLSC qui donne de très bons cours prénataux, mais qui a des listes d'attente. Donc, on n'avait comme pas d'autres services là, dans notre petit coin pour avoir accès, pour avoir du soutien, de l'information. Et puis, fait que c'est ça. Donc, j'ai décidé de mettre la main à la pâte et de partir le projet. Puis, ça répond énormément bien. Les gens sont très heureux d'avoir ces services-là à leur portée de la main. Là. Puis, le côté humain, quand ils arrivent chez nous, ça a l'air que ça plaît beaucoup. Donc, on continue à travailler sur ce côté-là. On ne prend pas trop de clients. Parce que justement, on veut garder vraiment le côté chaleureux et humain. Si à un moment donné, il vient qu'à avoir vraiment une grosse demande, ben on va s'ajuster puis on va rentrer d'autres personnes avec nous, question de bien répondre aux besoins des gens. Puis, pouvez-vous nous parler un peu des services? Est-ce que c'est un centre, est-ce que c'est un lieu de rendez-vous? On peut se rendre là ou c'est plutôt des formations? Vous allez venir à domicile? Comment ça fonctionne? On fait de tout. Okay. On a plusieurs activités sur place. Okay. On a des activités vraiment là, pendant la grossesse. On a du yoga. Donc, ça se fait chez nous. On offre des cafés thématiques. Okay. Donc, c'est les femmes qui, souvent, là, c'est ouvert aux pères aussi, mais la plupart du temps, c'est les mamans qui arrivent avec leur petit bout de chou, puis on parle de différents sujets. Sérieusement, on parle de tout, puis c'est souvent, c'est les mères qui nous demandent, bon, ben garde, c'est la semaine prochaine, on aimerait ça parler de tel thème. Okay. Puis on essaie de faire venir des professionnels lors de nos cafés thématiques pour pouvoir aborder certains sujets un peu plus délicats là, que les gens n'osent pas aborder avec leurs amis. Là. OK. Puis on a plusieurs autres services. on a l'accompagnement à la naissance. Oui. Qui se fait vraiment en individuel. C'est vraiment avec le couple. On est là pendant la grossesse. On offre un soutien, une écoute, plein d'informations pendant la grossesse. On les accompagne aussi lors de l'accouchement. C'est à leur choix. Il y en a qui décident de ne pas le prendre, mais la majorité du temps, à la dernière seconde, le téléphone sonne et disent « Non, viens-t'en, s'il te plaît, on veut te voir. » Okay. C'est ça. On est là, l'accompagnante, en fait, on est là pour aider le père à avoir une belle place lors de l'accouchement. OK. Fait que, il y en a qui ont peur, justement, des fois, que l'accompagnante prenne un peu la place du père. Faire attention. Il faut faire attention avec ça. C'est pas vrai. On est là, justement, pour que le père puisse prendre sa place. On lui apporte des outils, des moyens pour qu'il se sente bien impliqué lors de l'accouchement. Et jusqu'à date, à leur première grossesse, je te dirais, les pères sont réticents. Mais quand ils apprennent leur deuxième enfant, c'est eux qui téléphonent pour avoir leur accompagnante à la naissance parce que ce fut le plus beau cadeau qu'ils n'ont pas pu s'offrir là, pendant la grossesse puis l'accouchement. Là. OK. Et puis, ça consiste en combien de rencontres avant l'accouchement? On se voit environ 3 rencontres avant, mais ça varie. Là. Tu sais, s'il y a des couples qui se sentent vraiment insécures, on prend vraiment le temps de les rencontrer. On est disponible aussi par téléphone toujours. On est rejoignable à tout moment. Et puis, à partir de la 37e semaine de grossesse, on est consacré à eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils peuvent nous rejoindre à n'importe quand. On n'a plus le droit de s'éloigner. Non, non, c'est en stand-by. C'est en plein ça, oui. Puis, on offre aussi un grand soutien après. Pour le postnatal. Oui, le postnatal qui est très important. On se sent toujours un petit peu inquiet, on ne sait pas où s'en aller, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, on est là vraiment pour le postnatal. On peut se voir jusqu'à 3 fois facilement. Okay. Et puis, il y a l'allaitement qui est Vous vraiment importante. Oui, on est vraiment là pour l'allaitement, là, sans aucun problème. Parce que les trois permanentes de votre centre, dans le fond, sont formées comme marraine d'allaitement et comme accompagnante. Les trois sont formées comme marraine et on est juste deux. On est trois accompagnantes, mais on est juste deux qui ont la formation complète pour le marrainage en allaitement. Donc, si tu as une accompagnante qui n'a pas sa formation puis qui a des problèmes, ben là, elle nous réfère à nous puis on est là pour lui donner un bon coup de main. C'est bon. Oui. Et puis, vous avez plusieurs formations aussi. Ben, en passant, vous avez un super site Internet là, où on peut aller trouver les informations qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est ça, vous avez plusieurs formations, dont une formation sur la méthode Bonaparte. Oui, ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose que moi-même, je ne connaissais pas et que maintenant, je suis heureuse de connaître pour l'utiliser. C'est une méthode, on l'appelle l'accouchement sans stress et sans douleur. Nous, pour rire, dans notre centre, on l'appelle l'épidurale naturelle. Donc, c'est comme, sérieusement, c'est des points de pression, des massages. C'est de l'effleurage. C'est vraiment un moment très intime avec le conjoint. Et puis, à ce moment-là, ça fait en sorte que ça sécrète beaucoup plus d'endorphines. Et l'endorphine, comme on sait, ben, ça relaxe et ça nous détend. Et puis, ça l'aide à passer les contractions vraiment mieux. Il y en a même qui s'est arrivé, pas à moi, mais à une de mes collègues, que les contractions, elle les ressentait pratiquement plus. Ah oui, merveilleux, ça. Oui, c'est merveilleux. On en veut tous. Naturellement, sans rien. Et puis, vous donnez aussi des cours prénataux? Oui, on a les cours prénataux. On l'offre en groupe. Mais jusqu'à date, les gens, quand ils sonnent à notre porte, c'est pour l'avoir en privé. Donc, juste le couple et le professeur, si on peut dire. En fait, c'est nous autres, là, on est les accompagnantes. Là. Et puis, on se rend à domicile. Donc, les gens, là, les pères, je vais vous dire que quand ils entendent « Ah, oh, tu viens chez nous! » Je vais pouvoir rester en pyjama, je vais pouvoir écouter mon hockey en même temps. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment un atout. Puis, c'est ça, on peut approfondir dans plusieurs sujets là, un peu plus profonds qu'on ne ferait pas en groupe parce que c'est plus intimidant ou plus gênant. Puis c'est vous y allez une fois, plusieurs fois? Pour les cours prénataux, on se rencontre à peu près entre 6 et 8 fois. Oh, quand même. C'est quand même beaucoup. Là. Oui, puis on prend un gros 2 heures facile à chaque rencontre. Wow. Puis j'imagine que vous pouvez adapter aussi les rencontres avec les besoins. Oui, on l'a aussi à la carte. Ouais. Ah, donc, ouais. si les couples, ils veulent juste deux modules ou vraiment deux sujets, ben on y va seulement que deux fois, puis on ne charge pas le cours donc, au complet. Flexible, là. Oui, on est très flexible. Oui, non, mais ça arrive souvent des gens qui disent ben moi, c'est vraiment l'accouchement là, que je vais avoir c'est des ça. Infos. Là, le reste, ça n'ai pas nécessairement envie de tout c'est avoir. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que souvent, c'est l'accouchement, la douleur, les positions, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on se rend compte. Ça peut être ça. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. OK. Puis, faut dire aussi, vous avez une particularité aussi pour la région. Vous êtes les seuls à offrir du support en deuil périnatal. Oui, c'est un sujet qui est très tabou en région. Il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun soutien pour le deuil périnatal, que ce soit à Trois-Rivières ou sur la Rive-Sud. C'est vraiment dommage. Donc, nous, on a décidé d'aller suivre notre formation pour pouvoir apporter ce très gros soutien aux gens. Et puis, on espère que ça va répondre aux besoins parce que là, présentement, on n'a pas de clientèle, mais on espère, c'est plate, là, mais on espère ne pas en avoir parce que quand on en a, c'est parce qu'on sait que c'est un moment difficile. Donc, c'est quand même bien de savoir que c'est disponible. Oui, c'est disponible. Puis, on est 24 heures sur 24, sans problème pour le deuil périnatal et le soutien en allaitement. Donc, on est rejoignable là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours, et on se déplace sans problème. C'est bon. Puis, donc, vous avez l'organisme. L'organisme. Moi, j'ai travaillé dans le communautaire, fait que pour moi, c'est un organisme communautaire. Mais bon, le centre périnatal a ouvert depuis peu. Très peu. On a ouvert nos portes le 1er octobre. Le 1er octobre, OK. Oui. Et puis, comment c'est venu? Bien, là, vous en avez parlé un peu tantôt. Par rapport avec vos collègues, vous êtes tous des gens de milieux différents. Oui. En fait, mon amie, c'est Sandy. Okay. Et puis, elle était l'accompagnante de Mélissa. OK. Et, pas Mélissa, Mélanie. Et puis, elle va pas m'aimer. C'est ça, l'accompagnante de Mélanie. Et j'étais son accompagnante de relève. OK. Donc, le noyau s'est formé assez rapidement. Et puis, je vous dirais, cet été, on s'est vus une fois. On s'est dit, OK, go, on part. Oui, c'est un projet qui va être viable. Et puis, en deux semaines, on avait un local. Wow. On était en train de rénover. Et à un moment donné, on s'est assis, on s'est rendu compte, qu'est-ce qu'on fait, là? Ah ouais. On est vraiment en train de partir une entreprise, là. C'est donc, gros, quand même. Oui, c'est... Mettons qu'on commence à le réaliser en ce moment, là, c'est ça. Et puis, finalement, on se rend compte que les gens sont vraiment satisfaits. C'est vraiment un besoin pour la société que d'avoir un soutien comme celui-ci, là. Puis, on n'a pas du monde juste de la ville de Bécancour. On a des gens de Saint-Étienne-des-Grès qui descendent chez nous. On en a de vraiment partout, là. On est très heureux, là, de voir qu'on peut répondre au service de tout le monde. Mm-hmm. Oui. Mais c'est un beau projet, puis ça, là, cet été, ça a pris deux semaines, là, mais en fait, ça faisait longtemps que toi, tu pensais à... Oui, ça faisait au-dessus de deux ans que ça mijotait, que j'avais essayé de faire des démarches pour m'en aller au communautaire ou essayer de m'affilier avec d'autres centres, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on a décidé de partir en privé et puis de foncer tête première. Advienne que pourra. C'est bon. On va voir ce que ça va devenir, là. Ben c'est super, puis vous continuez. En tout cas, j'ai une longue vie à ce centre périnatal qui répond vraiment à un besoin. Puis vous avez du support, je crois, de différents professionnels aussi. Oui, c'est ça. On a vraiment un gros soutien. Là, c'est ça. Il y a plusieurs professionnels qui se sont affiliés avec nous, dont Huguette Boilard, qui nous a donné un bon coup de main pour nos cours prénataux. Oui, qui est sage-femme à Nicolet. Et on l'adore. Oui. Mais c'est ça. Donc, avec elle, on a réussi à monter nos cours prénataux à la perfection. Là, fait qu'on espère que ça va rendre heureux tous nos clients. Oui, bien, merci beaucoup, Geneviève. Et puis, pour les gens que ça l'intéresse, donc, je vous invite à aller voir le site Internet de Cigogne et Baluchon. Et puis, on va avoir les références sur notre page Facebook. Alors, merci beaucoup. Bien, un gros merci à vous. Merci, Laurence. Alors, et on rappelle, c'était Geneviève Boileau de Cigogne et Baluchon. Alors, on va aller en musique. On va écouter Les Gourmandes, qui sont les gagnantes de Cégep en spectacle 2010. Et restez avec nous. Après la chanson, on va avoir la chronique d'Ingrid sur l'hormone de l'amour. Vous êtes à l'écoute de Connaître Ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. J'aime ça aller chez Joséphine, elle est belle. tu sois dans mon lit. Je sais pas si tu le sais, ça me fait mal quand je te parle. Non, avec une de ces demoiselles, je prends sous ton aile. Je sais pas si tu le sais, ça m'écale de ramasser toutes tes erreurs. Le lendemain, à petite cuillère, avec les bouchons de bière. Mais moi, oh moi, même si tu m'écoutes pas, oui moi, je te le dis, j'aimerais ça que tu sois dans mon lit. Toujours à connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Alors, avant la pause, on a entendu Les Gourmandes avec leur chanson Tout le monde le sait dans le bloc. Et je sais pas si vous avez aimé ça autant que nous autres, mais ici en studio, on a capoté. C'était vraiment bon. On rappelle, c'était les gagnantes de Cégep en spectacle 2010. Alors, on est dans notre spécial Saint-Valentin. Ingrid, tu vas nous parler de l'hormone de l'amour. Oui, Saint-Valentin oblige donc nécessairement amour. Amour dit ocytocine dans le corps humain. Ah ben oui, donc, évidemment. Oui, c'est elle qu'on appelle là, la fameuse hormone de l'amour. Ocytocine. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'ocytocine? Ben, c'est plus que juste l'hormone de l'amour. Désolée. C'est une petite portion scientifique. L'ocytocine, c'est une hormone qui est peptidique, qui est synthétisée par l'hypothalamus et sécrétée par la neurohypophyse. Bon, en gros, là, c'est dans le centre de ton cerveau que cette hormone-là va être produite. Là. Mais là, ouais, d'un coup qu'on a un bagage. Son nom signifie accouchement rapide. Donc, aussi du grec ocus, qui veut dire rapide, et tocine, qui veut dire accouchement. Ah ouais? Ouais, donc, comme ça le dit, accouchement rapide, c'est présent à l'accouchement. Ça favorise également les liens d'attachement entre la mère et l'enfant, et ça va favoriser les interactions qui sont sociales ou amoureuses. Ça va impliquer la coopération, l'altruisme, l'empathie, l'attachement. Mais ça peut être également une source d'agressivité défensive. On n'attaque pas, là, c'est on se protège. C'est vraiment la protection, mais ça réfère à ça aussi. Au niveau comportemental, ce qu'on va voir, c'est que dans l'évolution, il y a eu l'ocytocine et sa consœur, la vasopressine, qui ont vraiment été, on appelle d'anciennes substances, là, mais c'est vraiment des hormones. Tu parles tellement chinois! Ben là, désolée, mais c'est un peu scientifique. Là. Ben oui, c'est l'hormone de l'amour. Ben oui. Mais ouais, on n'a pas le choix. Non, mais c'est son petit nom, puis l'autre, ça s'appelle la vasopressine. D'accord. Donc, la vasopressine puis l'ocytocine sont très proches, les deux. Là. C'est deux hormones que le corps va sécréter. Okay. Ils ont vraiment contribué à la survie de l'espèce. Donc, c'est un peu intéressant de savoir d'où ça vient. Ben oui, leurs deux stratégies sont vraiment opposées. Okay. La vasopressine, elle va être liée à la lutte ou à la fuite. Okay. Ce qui fait qu'on survivait au mammouth. Et l'ocytocine est vraiment associée plutôt au calme et au contact, ce qui fait qu'on s'est regroupé en clan. OK. Comme je le disais, l'ocytocine s'est impliquée dans les phénomènes sociaux, mais également dans les relations mère-enfant. Oh. Puis elle va être également dans les phénomènes de solidarité, altruisme à l'intérieur d'un groupe. Ce qui fait qu'on s'entretue pas, là. C'est un peu l'ocytocine qui participe. Fait que l'ocytocine, elle va être reconnue pour produire, réduire l'agressivité. Réduire. Elle va également augmenter la sociabilité. Okay. Elle offre une plus grande résistance à la douleur, ce qui fait qu'un accouchement est plus confortable. Et faire baisser la tension artérielle aussi. Elle va également participer à l'augmentation de l'appétit. Chose mystérieuse. Et elle est aussi impliquée dans le comportement maternel, là, le fameux instinct maternel. Là, donc, l'ocytocine, il est pour quelque chose là-dedans. Après ça... on constate que les effets vont durer 2 fois plus longtemps chez la femme que chez l'homme. Donc, peut-être sûrement lié à l'accouchement, le fait qu'on est des très grandes productrices. Fait que c'est, de l'ocytocine. Donc, c'est vraiment l'ocytocine, hormone de l'amour, mais l'amour qui est également social, puis un amour qui est affectif. Mm-hmm. Pas nécessairement le fameux coup de foudre, là, c'est plus que ça. Donc, ça permet vraiment d'entrer en relation. Chez la femme enceinte ou qui a récemment accouché, bon, comme on le disait tantôt, là, c'est vraiment lié à l'accouchement, mais ça va elle a la faculté d'accélérer l'accouchement. Okay. Elle va provoquer les contractions du muscle lisse là, de l'utérus qui vont accélérer le travail. Ça va participer à sa rétraction après l'expulsion, c'est-à-dire que ça va aider à l'utérus à se remettre en place. Après l'accouchement, que la placenta soit sortie? Tout le monde est sorti. Là. L'utérus, il finit par se remettre en place. Mais l'ocytocine participe à ça. Okay. Elle va vraiment favoriser... parce que c'est un gros muscle qui s'étire. Là. Ouais. Je veux dire, c'est le muscle qui s'étire le plus dans le corps. Là. C'est l'utérus. Donc, l'utérus va se replacer, va reprendre sa forme originale, mais l'ocytocine participe à ça. OK. L'ocytocine est également indispensable au réflexe d'éjection du placenta, ce qu'on appelle la délivrance, là, c'est quand le placenta il naît. La phase qui va suivre immédiatement la naissance du bébé va correspondre pour la mère à un pic jamais égalé en ocytocine naturelle. OK. Donc, il y a la naissance du bébé. Là, il y a un pic d'ocytocine. Oui. Après ça, il y a le placenta qui sort. Oui, parce que c'est justement l'ocytocine qui fait que le placenta va sortir. Qui va vraiment aider au décollement. C'est vraiment une cascade d'hormones, une cascade... C'est très complexe. Mais mettons que l'ocytocine, là, c'est là qu'elle prouve toute son efficacité. Okay. Elle est là. Okay. Bébé sort, ch'ting, pic d'ocytocine, puis après ça, placenta. Ça, c'est le plus gros pic de la vie d'une femme. T'auras jamais quelque chose d'aussi élevé. OK. Après ça, par exemple, pour atteindre ce pic-là, c'est vraiment sous condition. Faut pas que tu aies reçu d'ocytocine artificielle parce que tu viens contrecarrer carrément la prise d'ocytocine naturelle. Faut pas que la femme elle ait froid. Okay. Faut pas qu'elle soit soumise à une lumière intense, puis il faut que son intimité soit respectée. Toutes des belles grandes valeurs sage-femme. OK. Donc, le froid, la lumière... L'intimité. Oui, puis pas de... Pas de lumière, en fait. Une lumière pas intense, là. Un gros spotlight, c'est pas le moment. Là. OK. Puis vraiment, chaleur, intimité, puis ambiance, tu sais, comme... Chaleureuse. Là. Chaleureuse. Ouais. Vraiment, puis pas de citation artificielle. OK. C'est sûr qu'on vient tout couper l'arrivée naturelle. Là, on pallie. Donc, l'allaitement, ça va être aussi très important, l'ocytocine, dans l'allaitement. OK. C'est au cours de la tétée que l'ocytocine va stimuler l'excrétion du lait. OK. Donc, elle va favoriser la contraction des cellules qui entourent les alvéoles des glandes mammaires. OK. On va pouvoir leur sentir la chaleur, picotement. Fait qu'on peut vraiment ressentir l'ocytocine. Concrètement. Oui, parce que quand tu accouches naturellement, on va dire que tu es pas mal buzzé pour savoir que l'ocytocine est là, là. Fait que ça va vraiment aider... À ce que les petites cellules se vident, si tu veux. Mais c'est pas, elle fait pas partie de la production du lait. OK. Elle est juste là, genre, on sort, mais pas là pour production. Pour sécréter, la production, c'est prolactine, estrogène et la suction du bébé ou artificielle là, qui va faire qu'on produit du lait. L'ocytocine naturelle est produite. Elle va jouer un rôle qui est produite, en fait. Là. Elle va jouer un rôle essentiel dans l'attachement entre la mère et son nouveau-né. Okay. Ça va assez loin, ce phénomène-là. Là. Elle sait qu'un enfant qui est stressé puis qui entend après ça la voix de sa mère va produire de l'ocytocine. Puis souvent, ce qu'on dit maintenant, il y a beaucoup de pratiques en périnatalité dans les hôpitaux. Là, en ce moment, c'est le gros boss du 2 heures, là, du pot à pot 2 heures avec la mère. OK. Mais c'est l'ocytocine, on laisse l'ocytocine agir, en fait. OK. C'est vraiment le lien d'attachement qui va se créer là. Donc, on laisse la mère et le bébé prendre connaissance, mm-hmm. faire connaissance. Et là, c'est tout ce pouvoir d'attachement-là qui entre en jeu. Mais il y a une hormone derrière ça, c'est l'ocytocine. Ben. Un peu dans le coup de foudre, c'est pareil. Puis aussi, il y a une étude récente qui a été menée par une équipe suédoise qui va montrer que la durée moyenne d'allaitement au sein, elle va être supérieure chez les femmes qui ont bénéficié de production d'ocytocine naturelle pendant leur accouchement vis-à-vis celles qui ont pas eu l'ocytocine naturelle. OK. Donc là, tu es en train de dire que si on ne reçoit pas d'ocytocine artificielle à l'accouchement, notre allaitement a peut-être plus de chances d'être plus long? Bien, c'est ce qu'ils ont démontré. Mais là, okay. Oui, mais tu sais, c'est une étude en Suède, oui. Là, mais en tout cas, eux, ce qu'ils ont vu, c'est ça, que c'était supérieur si tu as ton pic d'ocytocine. Plus élevé. Oui. OK. Fait que c'est quand même intéressant. On toujours pro-allaitement. C'est à étudier, évidemment. Là. C'est sûr que c'est une seule étude. On ne peut jamais se baser là-dessus. Non, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des gens qui ont étudié le rapport entre le pic de cytocine à l'accouchement et la durée de l'allaitement. Oui, c'est assez. Moi, ça m'a bien impressionnée. Puis également, là, Michel Audin, qui est une référence là, parmi en gynécologie, puis dans tout ce qui est accouchement naturel, là, c'est comme la référence mondiale. Là, Michel Audin, qui est un gynécologue français. On entend son nom quand même souvent. Là. Oui. C'est assez dur d'étudier en périnatalité sans entendre son nom, en fait. Ça me semble pratiquement impossible, entre toi et moi. Bien, c'est ça. Il a écrit vraiment un beau livre là, qui s'appelle « L'amour scientifié ». C'est « Les mécanismes de l'amour ». C'est aux éditions Jouvence. C'est en 2001 que c'est paru. Et puis, ça a 160 pages. Donc, c'est pas trop coriace. Là. Okay. Oui, c'est relativement bien vulgarisé. Puis, ça va être vraiment sur comment va se développer la capacité d'aimer. Les liens dans les différentes facettes de l'amour. Amour maternel, amour entre partenaires, mm-hmm. l'amour de la vie, puis mm-hmm. des autres. Tu sais, j'aime la vie, là, mais il y a une hormone derrière l'amour de la vie, puis c'est l'ocytocine. Le rôle d'attachement de la mère au bébé, puis dans ce qui fait que pourquoi est-ce qu'on aime notre enfant aussi. Ouais. Fait que l'ocytocine, en fait, c'est mal expliqué, là, mais je reprends ma phrase. C'est les. Tu sais, il y a un rôle d'attachement de la mère au bébé, comme je parlais tantôt. Puis, qu'est-ce qui fait que ça arrive, ce phénomène-là? Qu'est-ce qui fait qu'on aime notre enfant? OK. En fait, il s'est intéressé à cette genèse-là de capacité d'aimer. Puis, c'est vraiment à la naissance qu'on commence à aimer en tant que nouveau-né. Hein? Puis, c'est l'ocytocine qui va être impliqué là-dedans. Il est aussi allé voir pourquoi est-ce que les cultures vont perturber tant le premier contact qu'il y en a. Tu sais, c'est. Tu touches pas à ça, c'est une bulle, c'est tellement entre femmes, les hommes rentrent même pas là-dedans. Mais pourquoi est-ce que, majoritairement en Occident, on a dissocié ce phénomène-là? Il va vraiment aller s'intéresser à ça aussi. Donc, ça peut être assez intéressant. Il y a aussi le potentiel humain d'agressivité au lieu de la capacité d'aimer si on coupe le contact. Il est vraiment allé chercher jusque-là. Là. C'est assez profond sur le principe d'amour, là. Puis c'est vraiment plus que maintenant, on le dissocie des romanciers, des philosophes, là, puis des poètes. Là. L'amour, c'est scientifique aussi. Ah! Ouais. C'est intéressant de voir que, justement, c'est ça, il y aurait une explication quand même scientifique derrière des relations affectives, émotives. Oui, puis ça vient surplanter, là, ce qu'il dit, c'est qu'il vient surplanter les anciennes stratégies de survie qui étaient basées sur l'agressivité, la domination, puis d'autres approches qui sont, mettons, moins appropriées. Là. Maintenant, on est moins dans un contexte de survie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus vers l'amour? Alors, l'amour scientifié de Michel Audin, là, c'est vraiment les mécanismes de l'amour. Je vais mettre le lien sur notre page Facebook. Oui, vous pouvez aller aimer notre groupe Facebook. C'est Co-Trédunion Naître Ensemble. On vous y invite. On va mettre tous les liens, entre autres, de la chronique ressources de Laurence de tantôt, le livre de Michel Audin. Et après la pause, on va avoir le Kama Sutra de la femme enceinte. Restez avec nous, ça va être super intéressant, un peu croustillant. On va aller en musique. Merci beaucoup, Ingrid, pour ta chronique. Ça fait vraiment plaisir. Merci, c'est intéressant. L'ocytocine, l'hormone de l'amour. Mais plus que ça. Vraiment, plus que ça. L'amour, le relationnel. L'amour avec un grand A en cette Saint-Valentin. Alors, on va aller en musique avec la chanson de Jamil, « Des bébés partout ». Vous êtes à l'écoute de Connaître Ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1 et restez avec nous après la pause. Ándale. sur la lave à rince, sur la sécheuse qui spinne, j'aime ça quand ça grince, sur la table de cuisine, en revenant du marché, à quatre pattes dans le surgelé, les deux genoux dans le pesto, entre un concombre et un poireau. Allez hop chérie, viens par là, je veux une femme de marin, une qui prend soin de son homme, une qui a pas peur des bombes, j'ai envie de lui faire des bébés partout, lui faire des bébés partout. J'ai envie de lui faire des bébés partout, de lui faire des bébés partout. Moi je voudrais qu'on se cherche dans le noir, en se frôlant à peine étendu devant un miroir, et se dire des je t'aime. Qu'on s'embrasse d'abord, puis encore s'embrasser, embraser nos corps qui finiront par s'enflammer, et puis plonger dans un gouffre en fabulant l'espoir, jusqu'à ce que nos corps s'essoufflent, et puis je te pèterai les points noirs. J'ai envie de lui faire des bébés partout, lui faire des bébés partout. Envie de lui faire des bébés partout, lui faire des bébés partout. À l'aube des premiers rayons, à l'ombre des néons, la fenêtre baissée, laisser parler la passion, sentir son ventre qui se crispe, qui frémit, qui explose, sous mes doigts qui se risque, sous cette vague qui l'arrose, la baïonner avec ma langue, ma main entre ses jambes, étouffer quelques cris à l'insu du chauffeur de taxi. J'ai envie de lui faire des bébés partout, lui faire des bébés partout. J'ai envie de lui faire des bébés partout, de lui faire des bébés partout. Moi je voudrais qu'on fasse l'amour sur le plus doux des tempos, faire des cordes de guitare avec mes ongles dans son dos, puis se regarder dans les yeux jusqu'à ce qu'il louche, manger quelques cheveux en glissant sur nos bouches, et nos doigts qui se mêlent, et nos doigts mordus, et nos doigts qui se cherchent. Mais toi tu penses qu'à mon cul. J'ai envie de lui faire des bébés partout, lui faire des bébés partout. Envie de lui faire des bébés partout, lui faire des bébés partout. Oui mais des fois, je voudrais qu'il m'accote contre le mur, pieds nus dans un couloir d'hôtel, pendu à mes mains, mes chaussures, qu'il me fasse sentir belle. Alors je glisserai à ses pieds, mon visage dans ses dentelles, ma bouche trop pressée d'arracher ses jartelles. On a envie de se faire des bébés partout, de se faire des bébés partout. Envie de se faire des bébés partout, de se faire des bébés partout. Vous êtes toujours à connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. On est dans notre spécial Saint-Valentin. Alors, on a eu la chronique d'Ingrid avant la pause sur l'hormone de l'amour, le cytocine. Et maintenant, c'est l'heure que tout le monde attendait. C'est le Kama Sutra de la femme enceinte. Alors, bon, d'accord, vous êtes enceinte, vous avez un gros ventre, c'est pas toujours super pratique, mais il y a quand même des positions qui sont possibles pour avoir du plaisir. Alors, bon, on va y aller dans une petite description assez rapide là, de chaque position. On tombera pas dans le trop explicite quand même. Bon, il y a le missionnaire, évidemment, que tout le monde connaît, qui est encore praticable dans les débuts de la grossesse. Bon, il y a plusieurs, j'ai entendu plusieurs commentaires comme quoi, après le deuxième trimestre, ça devient quand même assez inconfortable avec le ventre. Donc, le missionnaire, c'est la femme couchée sur le dos, le ventre, l'homme par-dessus la femme, donc avec le ventre entre les deux. Et bon, évidemment, monsieur devrait éviter de peser sur le ventre, ça peut faire quand même mal. Donc, il peut se relever sur ses mains, c'est toujours pratique. Sinon, bon, il y a les petites cuillères, la cuillère qu'on aime beaucoup. C'est assez soft, c'est idéal en grossesse parce que l'utérus pèse pas sur l'estomac, donc ça peut être très confortable. Ça peut être sur le côté ou, bon, l'autre côté ou comme vous voulez. Évidemment, bon, ça implique que les deux partenaires soient dos à dos. Donc, c'est des niveaux d'intimité qui sont différents, Quand même. Pas dos à dos, qu'est-ce que je dis là? dos à ventre, mais dans le sens qu'ils se voient pas, là. Ils sont comme... ils se voient pas. Donc, sinon, il y a la levrette ou le quatre-pattes, qui est quand même un grand classique, mais qui limite forcément un peu l'échange de caresses. Quand même, ça peut être intéressant. Donc, madame est à quatre-pattes, son homme se place derrière elle, à quatre-pattes ou encore debout au bord du lit. C'est une position qui va procurer beaucoup de plaisir à la femme, qui peut pas voir ni caresser son partenaire, mais quand même, il y a beaucoup de sensations à aller chercher là. Sinon, il y a la cavalière qui est très intéressante aussi. Donc, c'est l'homme qui est allongé sur le dos et la femme va venir se placer à califourchon sur lui. Et donc, lui, il bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il laisse le contrôle des opérations à sa femme, à sa compagne, ce qui est assez intéressant. C'est quand même une des positions les moins inconfortables pour la femme pendant sa grossesse parce qu'elle peut adapter la profondeur là, de la pénétration à ses envies et varier ses mouvements selon comment elle se sent. Bon, là, il y a une petite note. Parce que là, en fait, je me base sur un site, c'est un blog, je pense, c'est 9mois.fr qui nous donne toutes ces positions-là avec des belles images. C'est très, très bien expliqué. Et ils mettent une petite note. L'érotisme de cette position sera accentué par le spectacle du corps de la femme qui bouge sensuellement. Je trouvais que ça valait la peine que je vous en fasse part. Je trouvais ça beau. Sinon, il y a la cavalière inversée. Donc, c'est comme la précédente, mais la femme, au lieu de regarder son conjoint, va se mettre dos à son partenaire, donc à quatre pattes par-dessus lui, mais de dos. Sinon, il y a le face-à-face qui appelle, qui est quand la position du missionnaire devient impossible. On peut vous mettre face-à-face avec les jambes de la femme qui sont appuyées sur les épaules de l'homme avec les hanches avec les hanches bien fléchies, là, ça, avec les talons sur les épaules, ça peut être très confortable. Bon, c'est à pratiquer modérément si la grossesse rend vos vertèbres lombaires sensibles. Donc, pour le dos, c'est à surveiller. Un incontournable, la chaise, qui est assez pratique quand on est enceinte. On a beaucoup d'espace pour bouger. Donc, l'homme va être assis sur une chaise ou sur un tabouret. Et la dame, donc, s'assoit sur lui et peut ainsi contrôler le rythme et se relever si ça lui fait mal. Donc, vraiment à sa guise. Il y en a une qui est intéressante, qui est un peu difficile à décrire. Je vais vraiment faire de mon mieux. Ça s'appelle les rameurs. Donc, les deux partenaires sont assis un en face de l'autre, les jambes écartées légèrement repliées et les cuisses de la femme vont être sur celles de l'homme. Donc, c'est quand même pas facile à décrire. Ça prend l'image. C'est comme un équerre, un peu? Non, c'est pas l'équerre. Non, l'équerre, c'est la prochaine, ça. Non, les rameurs, c'est les deux sont comme à genoux, mais la femme a ses cuisses par-dessus celles de l'homme. C'est-tu plus clair, ça? Je pense que ça va prendre des photos. Ben, en tout cas, vous irez voir sur le site 9mois.fr. C'est assez clair qu'on voit l'image. Il y a un pictogramme là, qui décrit très, très bien. Donc, chacun peut incliner son buste vers l'arrière en maintenant les bras tendus, les chevilles de son partenaire. Donc, on peut se tenir, on peut se balancer dans l'avant-arrière. Donc, les deux sont à genoux? Oui. Ah, OK, je viens de le voir. Bon, Ingrid a des images dans sa tête. Yeah, bravo! OK, donc, bon, ça, c'est mon petit coup de cœur personnellement. L'équerre, c'est ma préférée. Bon, je suis pas enceinte, mais quand même. Donc, pour celle qui... Je peux pas croire vraiment dire partager ça. Ta vie personnelle! Donc, pour celles qui trouveraient la position du missionnaire inconfortable ou, comme on l'a dit, vers le deuxième trimestre, ça s'en vient un peu plus difficile. Alors, il existe une variante qui est plus adaptée pour la femme enceinte. Bon, la femme se couche sur le dos, est allongée sur le dos, puis elle va plier les jambes. Et l'homme, au lieu d'être par-dessus elle, va être allongé sur son côté, perpendiculairement. Donc, ses jambes vont être comme perpendiculaires au corps de la femme. C'est vraiment difficile à expliquer. Il y en a un couché de côté, puis il y en a une couchée sur le dos. Oui, c'est ça. Ouais, idéalement, la femme est couchée sur le dos, l'homme est couché de côté et la femme a comme ses jambes par-dessus qui replient par-dessus. Ouais, la cuisse, hanche. Ouais. Ça aussi, ça en est une autre qui est assez difficile à décrire. Mais bon, allez voir sur le site, les images sont formidables. C'est très, très bien expliqué. Donc, c'est ça. Puis, si allonger sur le dos peut devenir trop gênant pour la femme, on peut mettre des coussins sous la tête. Non, pas sur la tête, idéalement. Là. Mais bon, sous la tête et sous les épaules de la femme pour la relever un peu. Donc, bon, évidemment. Il y a l'amour sans pénétration aussi, qui est tout à fait vaste et à explorer. Donc, l'amour oral, la masturbation réciproque, des massages, des caresses, tout ça, ça reste de mise là, quand on est enceinte. Donc, c'est oui, mais ça. Moi, j'ai une question, Marie-Pierre. Oui, c'est pas dangereux pour le bébé? Non, c'est pas dangereux pour le bébé. Le bébé est très, très bien protégé de tous les chocs. En fait, le sac amniotique dans lequel le bébé est dans l'utérus est là pour protéger le bébé de tous les chocs, des infections, de peu importe, pendant la grossesse. Donc, et non, le bébé ne peut pas voir le papa qui rentre. Merci. Non. Merci, ça me rassure. Laurence, pour cette question. Non, mais c'est une question, effectivement, que les femmes se posent beaucoup. Non, ce n'est pas dangereux pour le bébé de faire l'amour là, pendant la grossesse. Et donc, c'est ça. Non, le bébé est un peu plus haut, là. Oui. Oui, non, c'est ça. Ouais. Mais à la fin de la grossesse, quand l'accouchement est imminent, je pense que les relations sexuelles peuvent... Favoriser les contractions, absolument. Des fois, c'est même conseillé. Bon, allez vous amuser 2-3 heures, puis revenez, vous devriez être pas mal starté. Oui, mais j'imagine que mécaniquement aussi, ça doit stimuler certainement le col. Mais il y a aussi qu'il y a des prostaglandines qui sont libérées. Et ça favorise les contractions. Sont libérées par l'homme? Oui. Il me semble dans le sperme. C'est à la tête. C'est à la tête du spermatozoïde qui a l'hormone qui favorise faire travailler le col. Ouais. Donc, dans le sperme, c'est ça. Il y a une substance qui favorise les contractions. Donc, oui, effectivement, à la fin, vers la fin de la grossesse, ça peut favoriser à déclencher un travail. Mais ça ne déclenchera pas le travail si la femme n'est pas prête. Non, mais non, effectivement. Là. Effectivement, c'est pas... c'est ça. Oui. Donc, faut que le corps... C'est imminent, mais c'est comme un petit coup de pouce là, pour la femme. Donc, Geneviève approuve, donc c'est une professionnelle. Donc, j'espère que vous avez des belles images en tête. On vous invite toujours sur Facebook, on va mettre le lien du site Internet. J'aimerais ça finir dans les quelques minutes qui nous restent. Une petite chronique sur le développement fœtal. Il y a les parents souvent qui sont intrigués à savoir bon, mais à quelle semaine est-ce que mon bébé bouge ou qu'est-ce qui se passe cette semaine dans mon ventre. Alors, je vais faire un petit résumé vite des points à retenir sur le développement fœtal. Donc, à 4 semaines, le cœur fœtal va commencer à battre. À 8 semaines, tous les organes du corps du fœtus vont être formés, donc déjà 8 semaines. Entre 8 et 12 semaines, l'échographie Doppler va révéler la fréquence cardiaque qui va se situer entre 110 et 160 battements par minute. Ensuite, déjà à 16 semaines, on peut voir le sexe du fœtus. Et bon, il est quand même petit, mais il y a quand même l'aspect d'un bébé, là, mais un bébé très petit. À 20 semaines, il s'en passe des affaires. Donc, il y a le battement du cœur qui peuvent s'entendre maintenant au fœtoscope, qui est comme un stéthoscope adapté pour les fœtus. La mère va sentir les mouvements du fœtus, communément appelé coup de pied. Le fœtus va acquérir un cycle régulier d'alimentation, de sommeil et d'activité. Les mains du fœtus vont être capables d'une prise ferme aussi. Donc, ça commence déjà, ça c'est à 20 semaines. Le fœtus va adopter sa position favorite aussi dans l'utérus. Il va déjà commencer à être enduit de vernix, qui est la substance là, blanche qu'on remarque sur les nouveaux-nés. Et il y a des cheveux, des cils et des sourcils qui sont déjà poussés à 20 semaines. À 24 semaines, le fœtus va peser environ 780 grammes, donc c'est quand même loin de son poids de naissance encore. L'activité fœtale s'accroît et les mouvements de la respiration fœtale vont commencer. Donc évidemment, il respire pas pour vrai, là, il respire pas de l'air, mais le mouvement de la respiration va commencer. À 28 semaines, les paupières vont commencer à s'ouvrir et à se refermer. Donc, à 28 semaines, il peut respirer. Le surfactant qui est nécessaire à la respiration du nouveau-né, bon, mais ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus complexe. C'est technique, c'est le surfactant. C'est dans les poumons, il y a une substance qui est sécrétée dans les alvéoles qui va permettre la respiration. Donc, le fœtus acquiert cette substance-là à 28 semaines. Les mamans de prématurés savent de quoi qu'on parle. Ouais, là, ouais. De très grands prématurés, là, le surfactant, c'est genre la condition. Là. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on retarde que l'enfant sorte là, chez les prématurés. Si tu peux le garder un petit peu plus longtemps, ouais. C'est surtout pour la maturité pulmonaire. Oui. Et donc, à 28 semaines, le fœtus va avoir les deux tiers de la taille qu'il va avoir à la naissance. 32 semaines, le fœtus va avoir des ongles aux doigts et aux orteils. La graisse sous-cutanée va apparaître. Et la peau est un peu moins rouge et un peu moins plissée. Donc, il commence vraiment à avoir l'air plus d'un nouveau-né que d'un fœtus. Et entre 38 et 40 semaines, qui on sait, c'est la fin de la grossesse, le fœtus va occuper entièrement tout l'utérus. Et il va acquérir des anticorps de la mère, donc vers la fin de la grossesse. Si j'ai un petit bébé gorille, là, comme on les appelle, c'est l'anugo. Ça dit rien? Vas-y, oui, Geneviève. En fait, c'est tu retrouves un petit bébé poilu. Oui. Ce qu'on appelle, là, nous autres, on l'appelait le petit gorille. Oui, oui. C'est le fils d'une de mes amies, elle appelait son petit gorille. Oui, c'est ça. Faut pas avoir peur, là. Ça finit par tomber. Il n'y a aucun problème. C'est ce qui se développe là, un peu dans l'utérus. Oui. OK. Confirmation. Votre enfant est normal. C'est le petit gorille. Donc, c'est ce qui va conclure notre émission. Alors, j'espère que vous avez aimé notre spécial Saint-Valentin. On remercie Geneviève Boileau. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été avec nous. Laurence, merci pour ta chronique avec Geneviève. C'est un plaisir. Ingrid aussi, ta chronique sur l'hormone de l'amour. Même si c'était scientifique, là, je suis sûre que ça s'est bien digéré. Oui, absolument. C'était très intéressant. Donc, Ingrid, on te remercie aussi pour la recherche musicale et la mise en onde. Restez à l'écoute de C'est fou parce que la prochaine émission, c'est avec David et c'est la langue dans ton oreille. C'est super le fun, cette émission-là. Alors, on va se laisser sur une chanson de Yel, Je veux te voir, qui est quand même... qui fit dans notre contexte. Qui fit avec ta chronique oui. Et Mastra. Oui. Alors, on va vous revenir la semaine prochaine avec une autre émission de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Bonne Saint-Valentin et bonne journée tout le monde. Cuisinier avec